Huang Yongping, né en 1954 et décédé le 19 octobre 2019, est souvent considéré comme une figure majeure de l'art d'avant-garde chinoise des années 80. Formé à l'Académie des Beaux-Arts de Hangzhou, il s'imprègne du dadaïsme, mouvement artistique se basant sur la remise en cause des conventions esthétiques ou politiques, ainsi que de la philosophie zen et du taoïsme. Il crée le groupe Xiamen Dada, au nom de sa ville natale, et s'installera en France en 1989 en raison de la censure du gouvernement chinois, pour se faire nationaliser français en 1999. Yongping basera son œuvre dans des installations souvent dans le gigantisme, où il fait se questionner sur le rapport de sa culture chinoise à la culture plus occidentale. L'œuvre intitulée The History of Chinese Painting and History of Modern Western Art, Washed in the Washing Machine for 2 Minutes, ou dans sa version courte Washing Machine, est une série de réalisations ayant débuté pour sa principale en 1987. L'artiste plaça un livre d'art chinois traditionnel et un livre d'art occidental dans une machine à laver pendant 2 minutes, sans résultant d'une bouillie de papier illisible. Par cette œuvre, l'artiste interroge sur l'impossible d'une acculturation trop rapide, nécessairement bâclée, et questionne sur les raccourcis et les clichés qui circulent entre l'Asie et l'Europe. Cette rencontre entre la Chine et l'Occident est également au cœur de la seconde œuvre. L'œuvre Le Serpent Océan, réalisée en 2012, située en Loire-Atlantique, sur la côte française, représente le squelette d'un serpent de 130 mètres, allant de la zone de basse marée jusqu'à plus loin dans la mer. L'installation, in situ, est donc submergée lors de la haute marée. Les côtes du serpent étant disloquées, l'œuvre ondule en fonction des courants et laisse la faune et la flore habiter la sculpture. Le serpent disproportionné s'inscrit dans le gigantisme et est pour Huang Yongping une perspective traditionnelle mêlée à un contexte plutôt contemporain. Ici, le serpent, figure traditionnelle chinoise, échoué sur une côte européenne, symbolise le long voyage que pourrait vivre un migrant, ainsi que le choc culturel qui en découlerait.